me demande ce qu'en penseraient mes parents s'ils entendaient mes paroles. Je dois avouer que dans ma tête, c'est un peu tout qui tourne par rond. Je sais que je veux pas ressembler à mes darons. Je dois comme me réassembler à chaque matin. Avoir cobalt sans hello, c'est plus sage hein. Plus j'avance et plus je deviens malsain. Je me demande si j'ai toutes les pièces en main. Je réalise jamais rien quand je pense à demain. Est-ce que je dois partir pour sortir de la demeure? J'en sais trop rien mais j'y pense toute la semaine. Pense toute la semaine ou bien me vide de ma semence. Ici l'impression d'avoir que de mauvais souvenirs. Et si je compte partir, alors je compte partir pour ne jamais revenir. Je compte partir pour ne jamais revenir. J'ai l'impression qu'on m'ait jamais soutenu. Y'a plein des choses dont j'ai jamais souvenu. Si j'étais pas aussi souvent aigri, toutes ces peines et colères j'ai marqué dans mes écrits. J'suis pas sûr de me placer comme si j'étais négri. Mais j'suis brun et j'aime pas trop le terme de négro. Blocopad, c'est moi quand j'fais pas taire mon ego. RDV, Paris, romance, mais qu'on ego. Je le redis, j'suis pas prêt de revenir de si tôt. J'ai dévié ma trajectoire des 6 ans et cette année j'ai pris ma décision à travers le masque. J'ai des visions, j'sais que j'ai plus besoin d'aide à la visée. N'oubliez pas qu'il faut miser. Blocopad 2021, conseil à viser.